passe, quoi qu'il se passe dans la place, bébé. La vie a durci mon esprit dans un mélange d'acier. À l'épreuve des balles, puis le BF m'a initié. Ouais. Pour combattre ouais. le diable, tel Alice et la scier. Quand il enseigne aux frères comment faire pour scier la branche sur laquelle ils sont assis. Regarde tomber un à un comme les gangas. Fort, le diable concoque des praticites comme Moutoutouti. Mais le frère qui se disait lui n'aurait pas du tout douti. Notre histoire n'était pas écrite par d'autres que nous. Ternie par l'Occident dans le but de nous maintenir à genoux. Car la seule vérité c'est que nous sommes tous unis. Mais pour nous maîtriser le diable nous maintient désunis. D'ampleur des creeps entre tuyaux aux États-Unis. Tant que nous battons entre nous le coupable reste impuni. Chez nous c'est pas Highlander, il ne peut en rester qu'un. Mais une armée négrillon, point levé fier d'être africain. Étant donné que c'est ça vu les situations. Mais tant donné que j'ai nous tant donné. Pour faire ce que je suis j'ai tant donné. Certains tant donné. Ici pour nous y'a rien de bon. Rien qui tient debout. Toujours les mêmes choses nous pendonner. Faut qu'on tienne bon. La victoire n'est pas chose acquise. La cause acquise c'est jusqu'à là. Les couches acquises. Je reste fort. Vu le reste d'effort qu'il me reste à faire. Triste à faire si la vie je laisse c'est elle. Wallace Christopher hélas. La roue tourne vite comme une hélice. Brassé comme Delos. C'est sans finir tous dans la mélasse. Sur l'hélice je guette elle dise quoi. Rien à part la mort je m'avise. Je vois que depuis le temps la vie c'est ce qu'elle est. La tue me dit tant. Yeah. Certains méritent tant qu'il y ait changement. Ces pensées limitant qu'on y arrive. Je serai pas le dernier des militants. Privé de liberté depuis plus de 400 ans. J'enseigne aux frères et sœurs qu'on m'a lavé son temps. Si je quitte cette terre c'est contre l'ennemi lutant. Pour que tu ne penses pas de moi le dernier de militants. Privé de liberté depuis plus de 400 ans. J'enseigne aux frères et sœurs qu'on m'a lavé son temps. Si je quitte cette terre c'est contre l'ennemi lutant. Pour que tu ne penses pas de moi le dernier de militants. Regarde-moi, je suis en face. Elle fait tenir cette place. Et là, tu m'excuses, qui est-ce que je fais? C'est ça qui fait que je suis une menace. J'aurais pu être un terroriste. Un type à la vie calculée courte et sans limite qui passe. Son temps ici et là, assassiné. Envers et contre tous, du riche à l'ivrogne. Le genre de gars qui compose avec peu d'amis. Tellement terré dans sa haine et son sursis qui, quand ça explose, passe la sauce en la sauce. C'est tous les gosses pour la cause, surtout si ça se corse. Moi je sors de ma condition d'hypnose et ose garder un œil vif sur mon étendard. Fièrement et durement, à la teneur de mon sang, tu sens l'homme de rang. Ouais, mais il ne doit pas en rester qu'un. Non. Je vais pas finir comme le dernier des militants. La mort n'est qu'une étape. Comment déposséder un nègre carien? J'ai de l'ambition, un handicap. Je sais ma condition, elle en décape plus d'un. Mais il faut qu'on reste fort et qu'on s'acharne comme des acariens. Un rêve, on n'en a jamais eu qu'un. Et dans ma vie, les frères crèvent. Faut que je reste fort comme un Jamaïcain. Faut pas finir comme tous ceux qui tombèrent. Et je compte sur mes frères pour me soutenir comme des lombaires. Car je fais partie de ces gens qu'on laisse à terre. Contestateurs, parce que trop contestataires. Engagé comme ma troupe de kamikazes. Celle dont tes amis causent. Plus de faire ce que mes amis osent. Se lever pour une cause utilitaire. Lutter comme des militants, voire même comme des militaires. Quitte à finir qu'à m'isoler dans l'antre de la folie et dénigrer de l'autre. Privé de liberté depuis plus de 400 ans. J'enseigne mon frère et sœur que le mal a fait.